Et la vie a fait que quand je suis venu au monde, c'était la détresse économique dans ma famille. Donc j'ai appris au berceau ce qu'on apprend par les livres ordinairement, la férocité sociale, les classes sociales ou les castes sociales. Il me vient un souvenir, puisque vous me posez toutes ces questions, un souvenir avant de l'expliciter. Je vais rappeler une petite anecdote qui m'avait beaucoup frappé en lisant Freud. Freud, enfant, a été marqué par vraiment une anecdote qui était que son père a été bousculé dans la rue par évidemment un antisémite violent. Et son père s'est contenté de ramasser son chapeau qui était tombé à la suite de cette bousculade agencée par un antisémite. Il avait tout simplement ramassé son chapeau. Eh bien, moi, ce n'est pas une anecdote de ce genre que je peux rapporter, mais quelque chose qui est du même ordre, qui est ce que je pourrais caractériser en disant c'est la fracture du regard chez un enfant. L'anecdote est la suivante, elle est tout à fait simple et banale. Nous allions à l'église dans le banc des pauvres. Alors le banc des pauvres, c'est évidemment au fond de l'église, et des bancs, pas des chaises. Donc, dans un lieu bien séparé des autres fidèles. Et au moment de la quête, le prêtre passait devant le banc des pauvres sans s'arrêter. Et je me souviens avoir capté un jour le regard de celui qui faisait la quête, c'est-à-dire qui présentait la corbeille pour remettre la petite pièce ou l'offrande, où les pauvres étaient dispensés de quête. Et ce regard m'est resté ancré dans la mémoire. Et voyez-vous, c'est ça, la fracture du regard qui survient chez un enfant dans des circonstances de cette sorte. L'enfant entre dans l'interrogation, sans mots bien sûr, sur la contradiction, le hiatus, la séparation, l'exclusion. Tout ça sont des choses tout à fait, enfin, essentielles que j'ai appris moi de cette façon. Mais voyez-vous, il y a deux manières d'entrer dans la vie. Ou bien on devient un revendiquant, un protestataire, un pisseur de vinaigre, ou bien on en fait quelque chose. Alors moi, enfant de cette Normandie taciturne, j'ai travaillé tout ça, ça fait partie de mon expérience. Mais je n'ai rien à voir avec les marchands ça s'est très bien porté en France, ça fait même de très belles carrières. Le ressentiment, la haine sociale, etc. Tout ça n'est pas mon aliment, je m'alimente d'autres choses. Voilà. C'est une très grande expérience d'entrer dans la vie de cette façon. Personne ne choisit ses parents. On vient au monde, c'est le destin. On est enfant d'un destin qui ne vous quitte pas, évidemment. Et le tout est de savoir comment on s'accommode du hasard, du destin, et comment on peut travailler à retourner subjectivement la carte. Voilà. Pierre Legendre, comment on s'accommode du hasard, cette Normandie taciturne que vous évoquez à l'instant, vous semblez la revendiquer a posteriori. En tout cas, vous ne la reniez pas. Hein. Vous êtes, comme on dit, non pas attaché à cette origine, mais alors peut-être au sens littéral, c'est-à-dire effectivement dans le sens où on ne choisit pas son lieu de naissance, on ne choisit pas ses parents. Il semblerait donc toutefois que vous avez joué avec le hasard plusieurs fois dans votre existence, puisque lorsque vous allez entamer vos études, vous m'avez dit « je vais tirer à pile ou face la médecine ou la philosophie ». Et c'est ce que vous avez fait, vous avez tiré à pile ou face. C'est-à-dire que là, vous rejouez le hasard. Pourquoi ? Oui, j'ai effectivement joué à pile ou face, en présence de ma sœur, qui me rappelait encore ça dernièrement. Je n'ai pas tiré à pile ou face pour ou médecine ou philosophie, c'était les sciences, parce que j'étais passionné de biologie animale et végétale, ou le droit. Et c'est tombé sur le droit. Donc, je suis entré là avec confiance, avec le sentiment d'être inférieur à la tâche qui m'attendait, que j'ignorais tout. J'ignorais tout dans le fond de ma Normandie natale. On ne connaissait pas grand-chose sur l'organisation des études, etc. Néanmoins, j'avais certaines idées, surtout beaucoup médité sur ce que je voulais dans la vie. Dans mon enfance, je n'ai pas été entouré de livres. Je me suis bien rattrapé après. Donc, j'ai beaucoup médité sur les lieux, sur les objets. J'avais un compagnon très cher qui était un chien, qui a été mon compagnon d'adolescence, si je puis dire, puisque je n'avais que des sœurs. Il était comme un frère pour moi, ce chien. Voyez-vous, ça m'a beaucoup préparé à comprendre le monde, ces expériences de jeunesse. Et puis, vous savez, j'étais évidemment enfant pendant la guerre, et des choses, les événements, et surtout les attitudes des personnes m'ont beaucoup marqué. Je vais encore vous rapporter une anecdote qui m'est restée dans l'esprit. À la rentrée de 1940, le professeur nous a dit « Vous allez prendre vos livres d'histoire et enlever les pages de la guerre de 1914. » Je suis revenu à la maison, j'ai dit « Voilà, moi, voilà, le professeur a dit, il faut enlever les pages de la guerre de 14. » Mon père, qui avait traversé la Première Guerre mondiale et avait échappé au pire, ayant traversé l'enfer de Verdun, m'a dit « Mais il n'est pas question. » Il n'est pas question, donc tu diras à ton professeur que ben, ton père ne veut pas. Je suis retourné en classe et j'étais le seul enfant, le seul écolier, nous étions une vingtaine, le seul écolier qui avait conservé les pages de la guerre de 14. Vous voyez, ça donne une idée de l'état d'esprit qui flottait. Les Allemands n'en demandaient pas tant. Mais ça, c'est ce conformisme. Je serais tenté de dire cet esprit grégaire, quasi animalier, que j'ai rencontré au fil du temps dans le monde académique, universitaire, l'esprit grégaire, le conformisme. Donc j'ai appris ce qu'on appelle d'un bien grand mot la dignité. La dignité. La dignité. Ça, c'est un exemple, voyez-vous, un exemple banal, mais tout de même significatif, de mon apprentissage de la vie sociale. Comme aussi, oh, je peux dire, puisque vous m'avez lancé sur mon histoire, ce qui n'est pas mon habitude. Voyez-vous, par exemple, ma mère n'acceptait pas de recevoir des cadeaux pour nécessiteux. Ça s'appelait comme ça dans ce temps-là. Et elle renvoyait les habits usés, n'est-ce pas, que les gens très bien intentionnés, du reste, se faisaient un devoir de donner à ceux qui leur paraissaient vraiment être dignes de la charité publique. Ce sont de grandes leçons. Ce sont de grandes leçons, mais qui, encore une fois, m'ont tenu à l'écart de tous ces mouvements de je ne sais pas comment les qualifier, de protestataires, de grandes gueules. Voilà, les grandes gueules. Je déteste les grandes gueules. Les grandes gueules qui font de grands discours avec les haut-parleurs dans la rue, qui jouent les Lénines de prise unique à la gare de l'Est et autres intellectuels qui... ça fait de très belles carrières, ce genre d'attitude, mais ce n'est pas mon fait. Donc laissons ça, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Alors, ce qui a compté dans ma vie, ce sont les rencontres. Les rencontres qui sont des rencontres de hasard. Par exemple, dans une bibliothèque du collège, j'ai rencontré Gratien. Ah, Gratien. Gratien, c'est-à-dire ce compilateur médiéval dont la collection de textes au Moyen-Âge est l'un des socles de tout le système institutionnel occidental. Bon, comme j'ai bénéficié de l'exigence dans le travail, je peux dire, sous la botte des pédagogues de la débâcle, je n'aurais pas survécu. Pierre Legendre, dans la bibliothèque du collège, vous voulez dire avant le baccalauréat que vous avez passé en 1948? C'est-à-dire pendant la guerre, juste après la guerre? Oui, absolument. Dans cette bibliothèque, il y avait ce livre massif qui était une édition du 19e siècle, faite dans les formes de l'érudition philologique allemande du 19e siècle. Ça s'appelait, en latin, ça s'appelle la Concorde des canons discordants. C'était du reste un titre qui me convenait parfaitement. Et donc j'ai découvert, sans savoir ce que je maniais là, des choses fort intéressantes. Et comme j'avais acquis déjà une bonne maîtrise du latin et du grec, ça m'a, voyez-vous, fait entrer dans une dimension de la vie qui m'a porté. Pierre Legendre, il vous arrive de rêver en latin délicieux. Est-ce que vous rêviez déjà en latin délicieux à cette époque-là? Ça m'est arrivé, parfois ça m'arrive d'avoir au réveil des formules latines étranges qui prennent le sens pour moi pour des raisons multiples, qui, parmi lesquelles, ayant beaucoup fréquenté les milieux surréalistes, ça m'a beaucoup ouvert sur la latinité, sur tout ça. Et puis aussi, en faisant mes études de droit, je savais à 20 ans la thèse que j'allais faire. J'ai rencontré toujours au hasard de mes promenades dans les rayons de la bibliothèque universitaire, dans l'université qui m'avait accueilli à Rennes. Je suis tombé sur l'histoire du droit romain au Moyen-Âge par Savigny. Savigny était un grand érudit allemand du 19e siècle, un grand juriste, qui était le descendant d'une des familles françaises protestantes qui avait dû quitter la France après la révocation de l'édit de Nantes au XVIIe siècle et qui donc avait fait souche en Allemagne et qui était devenu un véritable juriste à l'allemande. Et j'étais absolument séduit par cette érudition-là. J'ai senti qu'il y avait là quelque chose qui touchait aux fibres de la chair européenne, occidentale. Par ailleurs, dans ma vie d'étudiant, j'ai eu la chance de rencontrer des étudiants très divers. Et, enfin, je vivais dans un assez confiné. Je me consacrais au travail. Et par exemple, dans mes camarades, il y avait Maurice Fanon, qui est devenu un chanteur. Malheureusement, il est mort prématurément. C'était un violoniste, un poète. Enfin, c'était quelqu'un avec qui j'étais en relation quotidienne. Pierre Legendre, Gratien au collège, l'histoire du droit romain au Moyen-Âge à 20 ans, et vous dites que vous avez fréquenté par ailleurs les milieux surréalistes. Comment vous nouez, comment vous croisez cette découverte juridique d'un côté et la défense des droits poétiques de l'autre ? Oui, c'était une formule, la défense des droits poétiques, je crois que j'ai utilisé en faisant un entretien avec Serge Danet dans les Cahiers du cinéma, il y a bien longtemps. Ben, vous savez, j'avais beaucoup d'appétit, et dans ce temps-là, les facultés de droit n'étaient pas aux prises avec, dans le marasme de la spécialisation prématurée, et donc l'enseignement comportait un enseignement d'économie, des enseignements très variés. Il y avait toutes sortes de possibilités. On avait du temps. J'ai pu ainsi me donner une formation à la faculté des lettres, d'histoire et de philosophie, ce qui fait que, dans un autre contexte que français, j'aurais pu revendiquer d'enseigner l'histoire de la philosophie. J'ai pu me former, mais grâce à cette rigueur qui m'avait sauvé la vie. Et donc, quand est venu le moment de choisir une orientation et que je me dirigeais en étant obligé de renoncer à toutes sortes de projets, y compris un projet que j'ai eu longtemps de faire aussi médecine, mais là, le temps m'a manqué. Et donc, quand est venu le temps des orientations, j'ai choisi de faire un triple doctorat, un doctorat d'économie, un doctorat de droit civil et un doctorat d'histoire du droit et de droit romain. Ensuite, je suis allé passer l'agrégation d'histoire de droit romain et d'histoire du droit, démentant les pronostics de ceux qui me trouvaient un peu trop timide pour réussir. J'ai été reçu premier au premier coup, à un âge précoce, et donc je suis tombé de but en blanc dans le monde universitaire professionnel qui, je dois dire, suait l'ennui. Pour moi. J'avais besoin d'air. C'est comme ça que, entre deux, j'ai pu alors offrir mes services de modeste économiste à un cabinet, on dirait aujourd'hui un cabinet de conseil ou d'audit, qui vendait du diagnostic économique en Afrique. Et j'ai mis les pieds en Afrique pour la première fois par ce cabinet que dirigeait un polytechnicien très intellectuel, qui était Jean Baboulène. J'ai mis les pieds ainsi au Gabon. C'est là que j'ai fait mes premiers pas dans l'univers des vieilles cultures nègres qui m'ont tellement appris. Merci Pierre Legendre. C'était À Voix Nue. Philippe Petit s'entretenait avec Pierre Legendre. Réalisation Dominique Costa. Demain, nous évoquerons la question de l'anthropologie dogmatique.